président de l'Association du hockey mineur de Roberval. En mon nom personnel et au nom du conseil d'administration, nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année à tous les jeunes, parents et bénévoles qui rendent possible les activités et merci de nous encourager. Pour vos idées cadeaux de Noël à prix abordable, le magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini, c'est l'endroit à visiter. Le propriétaire Ken Bennett et tout le personnel souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et vous remercient de votre encouragement durant toute l'année. Le magasin Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 276-2385. Et n'oubliez pas de consulter notre circulaire chaque semaine. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien aimerait souhaiter de joyeuses fêtes à toute la population. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien est un employeur important dans le comté, puisqu'il possède des chargeurs de bois. Les bureaux de la coopérative de camionnage de Saint-Félicien sont situés au 905 Boulevard Hamel, au numéro de téléphone 418-679-9494. Sur les ondes de CKJ, Michel Tifaud a discuté avec le défenseur Olivier Gallipeau, qui est probablement le joueur le plus courtisé pendant la période d'échange dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Est-ce que Gallipeau s'attend à partir des Saguenayens? Ben, il répond à la question de Michel Tifaud sur les ondes de CKJ. Notre prochain invité est au cœur des discussions par plusieurs directeurs généraux dans la Ligue junior majeure du Québec. Olivier Gallipeau, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, Olivier. Avec tout ce qui s'est dit dans les derniers jours, je présume que tu t'attends à être échangé? C'est rendu là, je pense pas que j'ai vraiment de contrôle là-dessus. Là, tu sais, là, c'est ce que je disais souvent avant, c'est que je peux juste contrôler ce que je peux contrôler. C'était juste de performer avec l'équipe. Là, c'est le congé des fêtes, fait que j'en profite un peu pour me reposer, profiter du temps avec ma famille. Puis, tu sais, ce qui va arriver, ben arrivera, puis le reste, je peux pas vraiment contrôler ça là-dessus. Là. Avant que tu partes en congé pour les fêtes, est-ce que Yannick t'a mis en garde sur la possibilité de, ou s'il n'en a pas été question du tout? C'est sûr que, tu sais, on veut pas, c'est un grand nombre de rumeurs qu'il y a eu, tu sais, on a eu des petites discussions, mais il n'y avait rien eu d'officiel ou quoi que ce soit, tu sais, rendu là, lui, il y a un travail à faire, puis... J'ai confiance en lui sur qu'est-ce qu'il va faire pour le mieux des Saguenay. Tu habites dans quelle région du Québec, Olivier? Moi, je suis habité dans la Naudière. C'est un tout petit village. Ça s'appelle Sainte-Marie-Salomé. C'est entre Jolavet de Joliette et Repentigny. OK. Et là, tu es dans ta famille pour les fêtes? Ouais. Dans le fond, je suis revenu après le match de Shawinigan samedi soir. Puis, depuis ce temps-là, je suis passé du temps chez moi avec mes parents, mes amis, mes grands-parents, puis tout ça. Ça fait toujours du bien là, de revenir un peu à la maison. Qu'est-ce que tu retiens, Olivier, de ta performance des Sags depuis le début de la saison? Tu connais une excellente première moitié d'année, surtout en attaque. Ouais, c'est sûr, mais tu sais, j'ai toujours dit que les points, c'est un peu superflu. J'essaie juste de contribuer à l'équipe du mieux que je peux pour aider l'équipe à gagner à chaque soir. Le reste vient, tu sais, je veux dire, c'est pas plus compliqué que ça. C'est juste d'avoir du plaisir, d'un peu de voler sur la glace, tu sais, comme un joueur d'aigle. Puis, c'est pas plus compliqué que ça. Est-ce que tu es satisfait des responsabilités que Yannick Jean t'a confiées comme capitaine ou général en défensive? Oui, mais c'est quelque chose que j'ai déjà vécu dans le passé, à Val-d'Or, puis tout ça. Puis, tu sais, j'étais prêt à. Tu sais, je suis en maturité quand même, là, j'ai 20 ans, j'ai assez d'expérience dans cette ligue-là, que je suis prêt à prendre ce rôle-là. Puis, en même temps, tu sais, c'est juste d'aider les nouveaux qui rentrent dans la ligue. D'amener, comme j'ai dit, mon expérience que j'ai acquis avec les années, ben de la transmettre aux nouveaux puis à ceux qui vont poursuivre dans les prochaines saisons avec les Sacs puis dans la Ligue. Fait que c'est pas vraiment plus compliqué que ça. Trouves-tu que t'as trop de temps de glace? Parce que dernièrement, Yannick t'en a donné de la glace. Et ben, souvent, les joueurs d'hockey aiment ça, mais à un moment donné, c'était plus de 30 minutes par joute, là. Ouais, ben c'est ça. C'est le genre de hockey que j'aime jouer. Souvent, c'est plus je suis à la glace, plus je me sens un peu dans le match. Ben honnêtement, j'en ai jamais assez là, des minutes là. On disait ça souvent à la blague là, moi puis Yannick. Mais non, puis je suis prêt à relever à jouer ces minutes-là, puis je suis capable. Puis c'est juste de bien gérer mon énergie, puis mon repos, puis tout ça. Je pense que le reste en dehors de la glace est important aussi, là, que ce soit l'alimentation, le repos, puis de bien gérer tout ça en même temps, puis je pense que ça se passe bien. D'après toi, Olivier, depuis ton arrivée à Chicoutimi l'an dernier, qu'est-ce que tu as amélioré le plus? J'ai essayé vraiment de travailler beaucoup plus sur, tu sais, on n'est jamais assez mobile, puis on n'est jamais assez rapide sur un défenseur. Mais c'est vraiment la rapidité, que ce soit de mon mouvement de pied, ma vitesse, ma rapidité d'exécution, surtout sur la grande glace. Je pense que c'est important de travailler ça. Il y a beaucoup plus d'espace. C'est un style de jeu un peu différent, je dirais. Un petit peu plus rapide. Puis je pense que c'est une chose que j'ai vraiment le plus améliorée. Là. Ça m'a permis d'avoir un petit peu plus confiance en mon patin et en moi-même. Est-ce que tu t'attendais d'avoir une saison aussi productive en attaque? Honnêtement, je m'étais pas fixé d'objectif pendant tout. La seule chose que je voulais, c'était vraiment bien performer et garder mon rôle défensif. Être un bon joueur clé, puis justement dominer dans cette facette-là, puis que le reste allait être un peu du bonus. Tu sais, ma grosse facette de jeu, c'est mon jeu défensif. Je pense que c'est juste d'avoir confiance. Avec la confiance, le reste vient. Je suis plus à l'aise à faire plus de jeux, que ce soit patiner, prendre plus de lancers, des belles passes, puis tout ça. Fait que le reste vient avec la confiance, je pense. Ton entraîneur, ton coach, Yannick Jean, est un ancien défenseur. Il doit sûrement te donner des précieux conseils. Ouais, c'est sûr, ça m'a vraiment aidé beaucoup là. J'ai eu des bons coachs, que ce soit Jean-François Jolin, Simon, il y a Claude cette année, puis Yannick aussi. Tu sais, il a quand même une bonne expérience dans le junior, puis avec un petit peu de hockey professionnel. C'est chaque conseil, chaque petit truc, j'ouvre les oreilles le plus grand possible, puis j'essaie de tout emmagasiner là. Au début de la saison, tu étais invité au camp d'entraînement des Blackhawks de Chicago. Ça a sûrement été une source de motivation pour toi. Oui, c'est sûr. C'est arrivé un peu sur le tard, mais j'ai toujours gardé l'espoir d'avoir cette invitation-là en quelque part. Puis c'est arrivé à Chicago. Ce que je voulais, c'était vraiment un peu me faire un nom, je dirais, là, de faire ma place là-bas. Je voulais pas arriver là juste comme en touriste, comme on peut dire. Puis ça s'est bien passé. Puis j'ai eu des bons commentaires pour la suite pour compléter la saison junior. Puis tu sais, mon objectif était déjà fixé même avant d'avoir un camp. C'était vraiment d'obtenir une grosse saison junior pour obtenir un contrat cette année. Quand t'es revenu, avant de partir, est-ce que tu as parlé avec les dirigeants des Blackhawks, le directeur général entre autres? Ouais, j'ai une discussion avec eux, avec aussi les dirigeants de la Ligue américaine. Comme quoi qu'ils me connaissaient pas vraiment avant que j'aille là. Qui ont appris à me connaître durant le tournoi puis le séjour que je suis resté là-bas. Puis je pense que ça s'est bien passé. Ils m'ont dit qu'ils avaient apprécié mon jeu, que la personne que j'étais, comment je travaillais, puis tout ça. Fait que c'est sûr que c'est des bons commentaires pour poursuivre le reste de la saison avec Chicoutimi. Et quand tu es allé à l'entraînement des Hawks, est-ce que tu étais à Chicago même ou dans d'autres villes? On a passé 2-3 jours, je dirais, à Chicago même. Puis ensuite, on a pris l'avion pour aller à Traverse City. Près de Détroit, c'est là où il y avait le petit tournoi comme des recrues avec, je pense qu'il y avait 8 équipes là, à Détroit, Minnesota, Saint-Louis, puis une couple d'autres équipes. Ça doit sûrement être très impressionnant arriver là-bas à Chicago. Tu sais, c'est l'une des 6 équipes originales. Il y a passé des grands joueurs, les Mikita, les Denis Savard, les Bobby Hall, les Pierre Pilote. Il y a passé des grands joueurs dans cette équipe des Blackhawks. Juste faire l'entraînement avec cette organisation-là, c'est quelque chose? Ouais, c'est autre, tout ça, tu comprends pourquoi c'est vraiment une des meilleures organisations de la Ligue. C'est vraiment une organisation de grande classe. On a été traités aux petits oignons là-bas. Puis tout l'encadrement qu'ils ont, que ce soit l'aréna, toutes les salles d'entraînement, les arénas de pratique, la nourriture, les hôtels, tout est vraiment numéro un. Puis je comprends pourquoi c'est vraiment une organisation de renommée comme ça. Là. Ça doit donner le goût à un gars. Toi, tu n'as pas été repêché, tu es en attente peut-être d'une invitation ou d'une signature de contrat. Ça doit donner le goût de dire, je vais faire, parce que tu es tout près de la Ligue nationale, tu es tout près des pros. Ça doit te donner le goût de dire, hey, faut que je continue mes efforts pour un jour y arriver. Ouais, c'est une motivation de plus. C'est quand tu vois tout l'encadrement que ces gens-là ont. C'est sûr que tu veux profiter de ça un jour, puis de pratiquer comme métier, on peut dire, la chose que j'aime le plus au monde, à chaque jour, je pourrais pas demander rien de plus que ça. Là. Est-ce que tu t'attends d'avoir une autre invitation des Blackhawks ou peut-être une autre équipe de hockey professionnel? C'est ce que j'espère. Si c'est pas les Blackhawks, ça sera une autre équipe, je pense. C'est vraiment mon but premier cette année, là, de signer un contrat professionnel pour poursuivre professionnel l'année prochaine. L'an dernier, avec les Sags, tu as vécu la demi-finale. Je présume que cette année, tu vises la finale, que ce soit avec les Sags ou peut-être ailleurs, parce qu'on s'attend à une transaction dans ton cas. Évidemment, tu vas aller dans une équipe qui aspire aux grands honneurs. Alors, pour toi, une finale serait de te faire voir encore plus par les dépisteurs et les équipes professionnelles? Ben, c'est sûr que les équipes recherchent les gagnants. On a eu vraiment un beau parcours l'année passée. Puis je pense que ça a été bon pour moi puis pour tous les joueurs de notre équipe l'année passée. C'est sûr que c'est ma dernière année, c'est ma dernière chance que j'ai pour gagner la Coupe du Président puis la Coupe Memorial. C'est vraiment un autre but que je m'étais fixé cette année. Puis je l'ai vécu à 16 ans. Puis j'aimerais ça boucler la boucle de ma carrière junior avec ça cette année. Ce serait vraiment plaisant. En terminant, Olivier, comment anticipes-tu la joute du 31 décembre au Centre Georges Vézina? Crois-tu sincèrement que ce sera ta dernière partie dans l'uniforme des Bleus? Honnêtement, ça, je pourrais pas dire. Là, je sais pas comment qu'est-ce qui va se passer. La période des échanges, puis tout ça, il peut y avoir des rebondissements. Honnêtement, je vais me concentrer sur le prochain match. C'est quand je vais revenir, profiter avec ma pension, avec les gars. Puis profiter du petit congé qu'on va avoir encore avant de jouer le premier match. Puis, on verra ce qui arrivera. Rendu là, comme j'ai dit, je peux pas vraiment contrôler ça. C'est sûr que chaque match au Saint George est spécial. Puis, avec les partisans qu'on a, c'est vraiment incroyable. Olivier Galipeau, que ce soit avec les Sags ou ailleurs, on te souhaite une belle fin de saison et surtout une carrière chez les pros. Je suis convaincu que tu vas réussir. Ben, je vous remercie beaucoup, c'est vraiment apprécié. Merci beaucoup. Olivier Galipeau, je voulais pas le têter en disant ça, je suis convaincu qu'il va arriver.